Excusez-moi, monsieur, pour aller place Bellecour, s'il vous plaît. C'est à côté. Vous continuez tout droit et vous êtes place Bellecour.